On sait désormais que c'est le projet de l'architecte italien Renzo Piano qui a été retenu pour reconstruire le pont de Gênes. Un tronçon de ce viaduc autoroutier s'est en effet effondré le 14 août dernier. La catastrophe a vu 35 véhicules tomber dans le vide, ce qui a provoqué la mort de 43 personnes. Moins de 3 mois plus tard, le 5 novembre, ce sont 3 immeubles d'habitation qui s'effondraient dans le centre-ville de Marseille. Un drame qui a fait 8 morts. Comment éviter de pareilles catastrophes ? À l'heure du numérique et des big data, des solutions techniques existent pour suivre en quasi temps réel les déformations d'une structure et tenter d'éviter l'effondrement. Bâtiments, ponts et tunnels, la surveillance par les data. C'est le sujet archi-connecté que nous traiterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Comment prévenir et parfois même prédire les effondrements des constructions? Quelle gamme de capteurs, mais aussi d'algorithmes, peuvent-elles servir à donner l'alerte? Bâtiments d'habitation et ouvrages d'art, tels que les ponts et les tunnels, sont-ils soumis aux mêmes règles? Pour en discuter, 2 invités aujourd'hui avec nous dans la méthode scientifique. Clarisse Poitevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département imagerie simulation pour le contrôle au CEA LIST. Nous sommes également avec Alexandre Paléologue, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de MorphoSense. Alors on verra plus tard dans l'émission que cette start-up qui est issue du CEA propose une technologie pour mettre en œuvre une surveillance à distance continue et en temps réel de la santé des infrastructures critiques. Et vous êtes en duplex depuis Chambéry, dans les locaux de nos amis de France Bleu Pays de Savoie. Alors, comme tous les jours, cette émission est à suivre en direct sur les ondes de France Culture. Vous pourrez la retrouver en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr. Elle sera ce soir à écouter en podcast avec l'appli que vous préférez. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. La méthode scientifique est sur Twitter à l'adresse @laméthodefc et nous posterons durant l'heure qui vient les infos complémentaires pour prolonger cette discussion. Alors, 2 catastrophes dans l'actualité récente ont montré que la surveillance des constructions, la surveillance de leur vieillissement était devenue un enjeu crucial pour la sécurité publique. Nous allons écouter tout de suite un extrait du JT de France 2 qui date du 14 août et qui annonce l'effondrement du viaduc de Gênes. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le chaos en Italie après l'effondrement du viaduc de Gênes. Une portion du pont de l'autoroute A10 s'est écroulée. De nombreux véhicules ont été emportés. Le ministre Salvini parle d'au moins 30 morts. 200 pompiers sont mobilisés. On dénombre également des blessés. Et ce soir, les questions sont nombreuses. Des défaillances de structures avaient été signalées. Des travaux de rénovation étaient d'ailleurs en cours. Alors, y a-t-il eu des négligences? Le gouvernement évoque un désastre inacceptable. Alors le bilan a fait finalement état de 43 victimes. Une section du pont qui est surnommé le pont Morandi du nom de l'architecte italien qui l'a dessiné. Une section du pont de 1,18 km s'est effondrée et donc 45 véhicules ont été précipités dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Alexandre Paléologue, c'est un drame, c'est un accident qui pose le contexte, qui montre les enjeux du débat. Ah oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas polémiquer sur tout ce qui a été dit et écrit dans la presse. Je crois qu'aujourd'hui, les raisons étaient assez claires sur ce pont, qui malheureusement est assez représentatif de tout ce qui se fait sur d'autres ponts, que ce soit en France ou en Europe. Un non-entretien, on sait aujourd'hui que c'est le pilier neuf dont les câbles en acier ont rompu, qui a entraîné la chute de la structure complète. Parce qu'il faut peut-être quand même le décrire sommairement, au moins ce pont, c'était un pont à haubans. Oui, tout à fait. Avec des ponts suspendus par des câbles en acier, mais des câbles en acier qui sont emprisonnés dans du béton. Tout à fait. Et c'est effectivement un des tirants. Alors, je tiens cette information du point qui en date du 14 septembre 2018. C'est un des tirants du pilier 9, effectivement, dont les câbles étaient détériorés, qui a rompu et qui a emporté finalement tout le tablier avec la chute dont vous venez de parler. Clarisse Poitevin, un commentaire sur cet accident donc, qui effectivement montre que c'est un enjeu maintenant très particulier de pouvoir scruter le vieillissement des constructions. Oui, tout à fait. On mesure à travers ce drame toute l'importance aujourd'hui d'avoir des moyens de surveillance. pour être en mesure de déceler les problèmes avant que de telles catastrophes n'arrivent, sachant que les technologies qui vont permettre de détecter ce type de problème ne sont qu'un aspect du sujet. Et bien évidemment, et derrière tout ça, il y a toutes les opérations de maintenance et notamment tous les investissements nécessaires et les opérations qui doivent être mises en œuvre pour éviter que ces catastrophes ne surviennent et pouvoir réparer les problématiques quand elles sont décelées sur ce type d'infrastructure. La catastrophe du pont de Gênes montre aussi, je crois, qu'il est difficile de détecter les signes avant-coureurs parce que les câbles d'acier étaient prisonniers dans du béton précontraint et la caractéristique de ce béton, c'est qu'il ne fissure pas. Donc il n'y a pas de signe extérieur de vieillissement, Alexandre Paléologue. Les signes extérieurs de vieillissement sont effectivement difficiles à percevoir, à moins d'avoir des inspections très régulières et très précises, et ce qui est rarement le cas pour des raisons de coût. C'est toujours le coût de la maintenance qui est mis en avant dans ce type de catastrophe. Par contre, avec certains outils aujourd'hui et à certains capteurs, je pense que Clarisse en parlera, nous on a nos capteurs qui permettent de le faire, on peut commencer à détecter ce qu'on appelle des signaux faibles qui permettent en avance de phase d'anticiper des problématiques, voire de les localiser et donc d'agir en conséquence. Oui, on va développer dans la suite de cette émission la gamme très particulière de capteurs, mais aussi d'algorithmes, parce que sans les algorithmes, les capteurs ne sont rien, dont maintenant vous disposez pour faire ce travail de surveillance. Avec Gênes, on voit aussi qu'il y a le problème de l'interface avec l'extérieur, si je puis dire, parce que la catastrophe est survenue juste après un orage. Les conditions climatiques, les conditions in situ sont prioritaires, Clarisse Poitvin. Bien sûr, en fait, on voit que c'est un problème très global. Il s'agit effectivement de connaître la santé des structures, mais on doit aussi prendre en compte tout l'environnement et toutes les contraintes, toutes les sollicitations auxquelles a été soumise la structure, de manière à pouvoir anticiper ces évolutions liées à la présence de défauts qu'on sait détecter à différents stades. Mais donc, c'est effectivement tout un ensemble de données qu'il faut pouvoir traiter de manière à pouvoir anticiper ce type de problème et d'évolution. La deuxième catastrophe, c'est celle de Marseille. On l'a dit, trois immeubles d'habitation mitoyens sont effondrés dans le centre-ville de la capitale phocéenne aux 63, 65 et 67 rue d'Aubagne. La catastrophe a fait 8 morts. Là, on n'est plus dans le cas du génie civil. On est dans des immeubles d'habitation. Est-ce que le bâtiment d'habitation est le parent pauvre du génie civil au regard de cette problématique de la surveillance, Clarisse Poitvin? Le parent pauvre, pas forcément. En fait, il y a une dimension importante qui est les risques auxquels on va exposer les personnes, et donc c'est un élément qui doit intervenir dans les choix qui sont faits de suivre avec plus ou moins avec une périodicité rapprochée certaines structures. Donc voilà, il y a des moyens qui sont aussi mis en œuvre sur les bâtiments, de même que sur toutes les structures pour lesquelles il y a des enjeux de sûreté et de sécurité importants. Alexandre Paléologue, il y a quand même une absence d'obligation réglementaire sur les immeubles d'habitation, alors qu'elle s'impose sur les ouvrages d'art comme les ponts et les tunnels, par exemple, qui eux, sont gérés sous forme de concessions. Tout à fait. Les concessions ont obligation finalement d'entretenir l'ouvrage d'art qu'ils ont en responsabilité. Donc, qui dit entretenir dit pouvoir prouver ce qu'on fait sur cet ouvrage d'art et donc mettre les moyens techniques qui permettent de garantir en sortie de concession qu'on a bien entretenu et qu'on rend l'ouvrage d'art à minima dans un état identique ou en tout cas entretenu dans la durée pour la concession suivante ou pour la reprendre s'il y a un appel d'offres. Alors on semble considérer dans le bâtiment que quand quelque chose est construit, il est éternel, alors que la question de la durabilité, elle doit toujours se poser, hein, c'est ça, Alexandre Paléologue? Ah oui, tout à fait. On sait très bien qu'un ouvrage d'art, aujourd'hui, les ouvrages d'art sont construits pour des durées qui sont extrêmement longues. On parle de maintenant 100 ans. Quand on a ce type de durabilité pour un ouvrage d'art, il faut être conscient qu'on ne peut le garantir finalement que si on a les moyens de le surveiller, de l'entretenir et de le maintenir. Et pour ça, effectivement, il faut mettre les moyens techniques qui vont permettre de détecter, d'anticiper et de réparer la structure pour la maintenir le plus longtemps possible dans un état, on va dire, sécuritaire pour les usagers, quand on parle de pont ou de tunnel, par exemple. Alors, pour ce qui est des immeubles d'habitation de Marseille, deux d'entre eux avaient fait l'objet d'une procédure de péril. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette initiative qui doit être engagée par la mairie? Alexandre Paléologue, vous avez un commentaire là-dessus? Difficile de répondre à ce genre de choses. Alors effectivement, les procédures de mise en péril sont basées sur des expertises, sur des mesures, sur des faits qui ont été constatés. Les habitats, effectivement, à l'inverse de ce que dit Clarisse, je pense, font un peu office quand même de parents pauvres. Quand on n'est pas sur une structure qui est jugée critique ou à forte valeur ajoutée, un hôpital, une école ou des choses comme ça, on sent bien que les moyens qui seront mis à disposition pour la surveillance de ces structures seront un petit peu moins regardés. D'accord. Et là, la gamme d'instruments qui va être utilisée quand on détecte ces premiers problèmes, elle est quand même assez, j'allais dire, rudimentaire. On sort le fil à plomb, on est loin de tout l'équipement électronique dont on va parler plus tard. Alexandre Paléologue ? Oui, tout à fait. On a des fissuromètres qui sont juste un fil tendu et on va regarder effectivement comment la tension du fil se traduit avec l'ouverture d'une fissure. C'est parfois même uniquement visuel. Il faut rappeler que l'IQOA, qui est l'inspection qualité des ouvrages d'art, se base souvent sur des inspections visuelles, périodiques certes, mais visuelles. On peut avoir des théodolites qui visent des cibles, mais qui ne vont pas donner une information constante et continue dans le temps. Les outils effectivement classiques sont assez rudimentaires, il faut bien le reconnaître. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h12, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes en compagnie de Clarisse Poitevin et d'Alexandre Paléologue. Et nous parlons des différentes techniques qui permettent de prévenir et parfois, on va le voir, de prédire la possibilité de l'effondrement d'une construction. Là, on touche du doigt une différence importante qui est sur la nature de la maintenance qui va être mise en œuvre. La maintenance, elle a évolué au cours du temps. Il y avait historiquement la maintenance corrective, c'est l'approche ancienne. Elle est effectuée après la détection d'une panne, d'un problème de fonctionnement. Mais elle tend de plus en plus, heureusement sans doute, à laisser la place à une maintenance préventive. Celle-ci consiste à effectuer une sorte de contrôle technique à intervalles de temps réguliers. On va en avoir un exemple avec un travail qui a été fait sur un site patrimonial. Tom Amnonstock, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu dans l'Oise, aux abords d'un château visité par un drone qui en a fait un portrait en 3D. Oui Olivier, alors pas toujours besoin de se glisser entre les pierres d'un bâtiment pour en faire un diagnostic. Je suis allé voir Cyril Besdeberck qui travaille pour l'entreprise Art Graphique et Patrimoine. L'ingénieur géomètre fait des relevés par drone qui se superposent à des mesures par laser afin d'obtenir un modèle en 3 dimensions du château. Le quadricoptère est parti se faufiler entre les tours et les toitures en hauteur pour prendre des centaines de photos. Les architectes, ingénieurs et tailleurs de pierre s'appuient ensuite sur ces données pour identifier d'éventuelles fissures, infiltrations ou zones de vulnérabilité qui doivent être restaurées. On est sur un site patrimonial remarquable, un château moi que j'apprécie beaucoup, dans l'Oise. Et donc il a la caractéristique, c'est pour ça qu'on a été sollicité, d'avoir des toitures assez complexes avec des tourelles, des toitures inclinées, des toitures en pointe de donjon, voilà, très sophistiquées, enfin, c'est assez beau. Et du coup, pour faire le modèle 3D, le relevé, le laser est insuffisant. Donc on a fait tout un relevé laser sur la base, qui donne un socle de haute résolution avec des mesures au millimètre. Mais on doit y assembler un relevé des toitures qui là sont beaucoup plus complexes, difficiles d'accès pour le laser. Et donc on va pouvoir les survoler, les photographier et les modéliser et ajouter ce modèle 3D par drone sur le socle laser qui est du même vraiment la base de mesure sur laquelle on va s'appuyer. Là, en l'occurrence, c'est vraiment sur du diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a des pierres qui sont fissurées, il y a un entretien sur les appareillages et les différentes pierres. En plus, c'est des pierres très sculptées, donc forcément, il y a des zones avec des petits coins qui peuvent être infiltrés par l'humidité, qui vont geler en hiver, et donc ça crée des fissures, ça accentue les fissures. Donc il y a un suivi nécessaire sur un bâtiment tout en pierre de taille, avec une certaine complexité qui crée en même temps des vulnérabilités, des zones d'infiltration potentielles, et donc il y a besoin de suivre. Et puis surtout, comme il est très haut, même avec un tel objectif, il y a des parties qui sont inaccessibles d'en bas, et pour pouvoir voir tous ces recoins, le drone et un relevé de haute précision tout à fait pertinent, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort dans l'utilisation du drone, dans le sens où observer les fissures seulement en surface, est-ce qu'on prend pas le risque de manquer ce qu'il y a peut-être un petit peu à l'intérieur des murs, de la structure du bâtiment ? Bien sûr, mais alors c'est souvent le cas pour beaucoup de domaines. L'extérieur révèle quelque chose de l'intérieur. La question, ça va être d'avoir les compétences pour interpréter ces signaux extérieurs. En l'occurrence, dans notre entreprise, il y a beaucoup de tailleurs de pierre qui ont vraiment l'habitude, non seulement de la pierre, mais aussi de ces modifications. Ils ont fait beaucoup de restaurations, donc ils savaient comment avaient été posées les pierres et ce qu'elles étaient devenues. Donc ils ont une capacité de lire les altérations, lire même les signaux, même dans peut-être dans la couleur, quand il y a certaines mousses, certains lichens, ça peut être le signe de quelque chose. En tout cas, effectivement, c'est une très bonne remarque. Comment pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur? Mais en fait, quand l'extérieur est abîmé, ça finira par altérer l'intérieur. Donc l'idée, c'est de reprotéger bien l'extérieur, de reconstituer des surfaces qui sont faites pour protéger. Et du coup, pour faire le modèle 3D, le relevé, le laser est insuffisant. Donc on a fait tout un relevé laser sur la base, qui donne un socle de haute résolution avec des mesures au millimètre. Mais on doit y assembler un relevé des toitures qui, là, sont beaucoup plus complexes. Difficile d'accès pour le laser, et donc on va pouvoir les survoler, les photographier et les modéliser et ajouter ce modèle 3D par drone sur le socle laser qui est lui-même vraiment la base de mesure sur laquelle on va s'appuyer. Voilà, donc là il est en GPS, donc vous voyez que son vol est très stable, il n'y a pas de réglages, et puis j'oriente l'objectif en fonction des zones et je commence un balayage. Je vais me déplacer à chaque fois de quelques mètres, pas plus de 3 mètres. Je déclenche une photo et je vérifie que j'ai le recouvrement suffisant. Là, je vais monter un peu plus. Et donc là, on a balayé vraiment très rigoureusement. On a commencé par les tours latérales, donc on a fait à peu près 6 montées verticales avec donc une photo tous les 2-3 mètres en restant assez proche pour avoir une bonne perception des appareillages, des joints entre les pierres et d'éventuelles altérations des pierres. Et puis donc on est monté. Une fois qu'on arrive au niveau des toitures, on fait un parcours assez complet aussi des toitures qui sont complexes, donc en faisant plusieurs passes et avec plusieurs orientations assez convergentes. Et puis ensuite, on enchaîne sur les toitures les plus longues, sur la longueur non seulement des chenaux. Et puis on a tous ces petits chiens assis, là, ces petites fenêtres qui ont aussi des petites zones d'ombre qu'il faut aller chercher, il faut aller photographier ces recoins. Donc on a balayé, je vous dis, on a dépassé sur rien que cette aile-ci, on est à 1600 photos. Là, en l'occurrence, on a une bonne couverture de toute cette aile, cette partie-là. Et là, on aura, en l'occurrence, un modèle 3D du bâtiment qui a été analysé. Quelle matière est-ce qu'on va avoir maintenant ? Exactement. Alors, dans un premier temps, on a d'une part le modèle photogrammétrique constitué à partir des photos et lasergrammétrique prise à partir des différentes positions laser. Et ces deux modèles vont être assemblés. On aura un modèle 3D complet. Et c'est à partir de ce modèle 3D qu'on peut extraire énormément de données, puisqu'on a un relevé très exhaustif. Et là, suivant les zones, ça peut être des élévations qui seront demandées. Ça peut être, en l'occurrence, des élévations, donc c'est des orthoimages extérieures. Mais on pourrait nous demander une section, une coupe, de ces compétences de la part aussi des architectes. Les tailleurs de pierre donnent leur avis. Les architectes ont proposé des réactions, des corrections à faire. Ça risque d'être seulement des remplacements de certaines pierres qui sont trop altérées et qui risquent après les premières fissures, de laisser des infiltrations plus graves et donc des fissures plus graves et des blocs entiers qui pourraient tomber si on attend trop. Donc, dans beaucoup de cas, c'est ce qui peut arriver. Donc, mais là, il y a, en tout cas, les données pour nous, au niveau du relevé terrain, les données sont exhaustives et les traitements qui pourront en être extraits seront enfin, très divers et pourront permettre une analyse assez fine du bâtiment. On voit vraiment que les drones sont devenus le couteau suisse hein, de la technologie contemporaine. On les retrouve partout, même dans les histoires de maintenance. Clarisse Poitvin, peut-être un commentaire sur ce reportage autour d'un château dans l'Oise ? Oui, donc c'est effectivement un exemple assez intéressant et qui montre tout l'apport des nouvelles technologies dans la surveillance des structures et là en l'occurrence des bâtiments. Donc on voit par exemple la mise en œuvre de drones, ce que ça peut permettre en termes d'accès à ces infrastructures. Et puis tout l'aspect numérique aussi, hein, la possibilité de reconstituer une maquette numérique 3D et donc d'avoir une métrologie et une description assez précise de la structure. Et un point qui était soulevé qui est très important, c'est que ces moyens de mesure qui ont des résolutions qui sont assez bonnes permettent aussi de définir le bon moment pour effectuer des opérations par exemple de réparation et éviter d'aller vers des endommagements plus graves et qui seraient beaucoup plus coûteux pour y remédier. Il y a un point également intéressant qui est la remarque concernant le fait que dans le cas qui est présenté, on réalise des mesures qui sont des mesures de surface et que dans un certain nombre de cas, on peut avoir besoin aussi d'aller regarder en profondeur si on a des dommages ou des anomalies. Et donc, c'est là où on voit que différentes technologies vont être en mesure de répondre aux besoins et que généralement la première question qu'il faut se poser c'est à quel type de quels sont les endommagements qu'on redoute, où est-ce qu'ils peuvent se produire et donc choisir les technologies qui vont bien en fonction des dégradations qu'on suspecte de façon à pouvoir faire ça, un état de santé de la structure qui corresponde bien aux risques auxquels elle est exposée. On voit que l'état d'un bâtiment c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Il n'y a pas un stade sain et un stade endommagé. Voilà, c'est jamais indemne de défauts et donc toute la question sera de les détecter au bon moment et de les suivre de manière à anticiper des problèmes plus graves, voire des accidents dramatiques comme on l'a évoqué en début d'émission. Alexandre Paléologue, on voit dans ce reportage, et comme l'a noté Clarisse Poitvin, que notre petit drone, là, il va s'intéresser aux signes extérieurs, aux fissures de surface. On est dans quel niveau, là, de la maintenance? On est dans du préventif. On est avant ce qui va être le sujet du moment, qui est le prédictif, c'est ça? Tout à fait. Les drones vont permettre d'avoir un état de surface de l'ensemble des petites fissures qu'on peut trouver, des petits défauts qu'on va voir. Et finalement, la surveillance, c'est le prémisse de ce qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire la surveillance de l'évolution de ces fissures va permettre d'anticiper, par exemple sur la vitesse d'ouverture d'une fissure, on va pouvoir se dire si elle s'ouvre de plus en plus vite, c'est qu'il y a un problème structurel. Et donc, comme le disait très bien Clarisse, l'intervention va devenir nécessaire. Alors, en quoi elle consiste maintenant, concrètement, cette maintenance prédictive? On parle de structures, à propos du bâtiment, de structures qui sont instrumentalisées. Clarisse Poitvin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va disposer du matériel comme ça dans les bases du bâtiment? Oui, alors... Il y a cette notion pour la maintenance prédictive de cette idée d'instrumenter des structures, donc en fait d'intégrer des capteurs dans la structure de manière à la surveiller en continu ou en fonction d'événements particuliers. Si la structure a subi des sollicitations liées à un événement climatique ou ça permet d'aller l'interroger et voir s'il s'est passé quelque chose. Donc la maintenance prédictive, elle s'appuie en effet sur ce type de technologie, d'instrumentation. Et par rapport à la maintenance préventive, je dirais qu'il y a une approche qui va être plus globale, c'est-à-dire plutôt que d'aller faire des contrôles qui souvent sont localisés, là on va monitorer de façon beaucoup plus globale et prendre en compte l'ensemble des données dont on dispose sur la structure, donc sur sa santé, mais aussi sur son environnement, sur tout ce qu'elle a subi, sur son historique, de manière à traiter ces données et dans le but d'établir un pronostic sur sa durée de vie restante. Donc il y a deux objectifs qui sont visés dans le cadre de la maintenance prédictive. Ça va être d'une part d'aller vers une réduction des coûts de maintenance en intervenant le plus tôt possible, comme on l'a dit tout à l'heure, intervenir suffisamment tôt peut parfois éviter d'engager des investissements ensuite pour des réparations beaucoup plus lourdes. Et puis ce deuxième objectif qui touche plus à des aspects de sûreté, de sécurité, ce qui va être de déterminer le temps avant une probabilité forte de rupture ou de défaillance de la structure. Et donc c'est vraiment deux objectifs qui distinguent la maintenance prédictive de celle qui est aujourd'hui l'approche la plus répandue, qui est la maintenance préventive. Alexandre Paléologue, dans la préventive, dans celle qui est la plus retenue actuellement, mais qui représente déjà l'ancien temps, on allait voir un bâtiment tous les 2, tous les 3 ans, parce que ça avait été décidé comme ça au début, quand il avait été construit, alors qu'aujourd'hui, avec la prédictive, on engrange les datas, les données constamment, et ça permet d'avoir un état des lieux en temps réel, c'est cela ? Tout à fait. Le préventif, en fait, est une obligation de revisite qui se fait à intervalles réguliers, mais on n'a pas d'informations en temps réel, on n'a pas ce retour de vie de la structure en permanence. Alors que le prédictif, finalement, en instrumentant les infrastructures, on va avoir cette notion de vie, de comportement structurel, avec tous les capteurs qui peuvent exister, hein, du local ou du global, qui vont permettre, effectivement, de surveiller l'évolution de la structure, et de détecter le plus en amont possible, et là on y reviendra certainement à la fin de l'émission, mais toutes les technologies d'intelligence artificielle et de deep learning, de machine learning, vont nous permettre de détecter tous les petits prémices de structures qui commencent à défaillir et qui vont nous effectivement in fine autoriser une intervention de la maintenance au bon moment et au bon coût. Il ne faut pas oublier que il y a un facteur 10 en gros entre intervenir très tôt, ça va coûter 1 euro, quand on le fait au bon moment, et si on laisse la structure se dégrader, on prend un facteur 10 sur ce même coût. Il y a l'avantage aussi qu'on n'a pas besoin de bloquer, par exemple, un tunnel ou un pont pour le réparer quand c'est vraiment le dernier moment. Exactement. Là, maintenant, c'est plus légère. Tout à fait. Quand on intervient au plus tôt, c'est en général des réparations ou des corrections qui sont mineures ou qui doivent en tout cas le rester. Et c'est bien l'objectif de la maintenance prédictive. Ne pas attendre d'avoir une catastrophe ou des réparations énormes qui vont bloquer un pont, bloquer un tunnel, voir si on ne les fait pas arriver à la catastrophe dont on parlait en début d'émission. Alors vous l'avez dit, il y a ce mouvement à deux temps, cette valse à deux temps dans la maintenance prédictive entre la surveillance globale d'un côté et la surveillance locale de l'autre. Là j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail de ces deux domaines. La surveillance globale, j'ai l'impression, Alexandre Paléologue, que c'est un petit peu le champ dans lequel vous travaillez avec cette start-up MorphoSense. Tout à fait. Alors nous, le principe qu'on a, c'est un réseau de capteurs qu'on va distribuer sur une structure, qu'elle fasse quelques dizaines, quelques centaines, voire un millier de mètres. On sait le faire avec des capteurs de très haute précision. Alors on utilise des accéléromètres qui sont des MEMS, hein, des micro-électromechanical systems. Mais c'est pas nouveau d'ailleurs les MEMS, hein, c'est des dispositifs qui existent depuis fort longtemps. Tout à fait. Vous avez complètement raison. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe dans les détections sismiques depuis des décennies. Ce qui est nouveau, par contre, c'est effectivement d'en avoir de très haute précision et qui vont, quelque part, donner une information simultanée sur l'angle, donc l'élévation ou le mouvement de la structure, et la vibration. Et c'est le même capteur, en tout cas celui qu'on utilise, c'est le même capteur qui fournit ces deux informations en simultané. Et donc, on va effectivement rentrer dans une surveillance globale, comme vous le disiez, avec des informations géométrique dans les trois directions et vibratoire dans les trois axes. Du coup, on a accès à peu près 75-80% de l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires pour surveiller globalement la structure. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur de la sensibilité, oui, de ces capteurs MEMS ? Ils sont capables de voir quoi ? Alors, en optimisant le positionnement des capteurs, on va descendre jusqu'à quelques dixièmes de millimètre, donc 0,1, 0,2 millimètres de précision par mètre. Donc une faille qui bouge de cet ordre-là, c'est repéré. on va voir les déformer effectivement en relatif avec cette précision de 0,1 à 0,2 mm par mètre. Et puis l'aspect vibratoire, eh ben, on a un capteur qui passe le continu. Ça veut dire qu'on peut descendre très très bas en termes de détection de fréquence et de mode propre de la structure. Et on va pouvoir les suivre dans le temps avec une très grande précision, une fois encore. Il faut savoir que le mode de résonance d'une structure, c'est tous les bâtiments en ont un. Il doit être le plus bas possible pour être le plus stable. Si on détecte des évolutions de cette fréquence, il faut effectivement avoir cette vision en continu et en permanence de l'information, on va pouvoir déceler des difficultés liées à cette évolution de structure et donc intervenir au plus tôt, au meilleur coût. Alors vous disiez que ces capteurs, ces MEMS, permettent de détecter jusqu'à 80% des données pertinentes à engranger pour faire l'état des lieux d'une structure. Qu'est-ce qu'on fait des 20% qui restent, Clarisse Poitvin? Alors, les technologies... C'est dans le domaine du local, justement. Alors voilà, les technologies très performantes dont a parlé Alexandre permettent de suivre un peu toutes les sollicitations mécaniques auxquelles la structure va être soumise, qui sont évidemment très très importantes pour voir comment va vieillir cette structure. Il y a un autre besoin qui souvent est d'aller regarder localement quels sont les endommagements possibles. Est-ce qu'il y a on l'a évoqué tout à l'heure, des câbles qui sont noyés dans le béton et qui vont se corroder? Est-ce qu'on a de l'apparition de fissures liées à des phénomènes de fatigue qui vont être liés justement aux sollicitations qu'aura subi la structure? Et là, généralement, on sait cibler les zones qui sont à surveiller de façon plus resserrée. Et donc, on va intégrer des capteurs qui vont être distribués autour de ces zones de manière à les suivre en continu régulièrement. Et ça va donc nous apporter des informations complémentaires de celles qui sont mesurées par les MEMS qu'on évoquait tout à l'heure. Vont nous indiquer les défauts qui sont éventuellement en présence dans la structure et qui vont être une composante de la maintenance prédictive, c'est-à-dire on va intégrer ces données dans l'évaluation de la durée de vie restante que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il y a une vidéo qu'on va mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique où on voit l'utilisation couplée de signaux acoustiques ultrasonores avec des fibres optiques qui permettent de faire une sorte de d'échographie de la matière, Clarisse Poitvin. Oui. Alors, en quoi ça consiste en fait? Il y a le petit signal qui est envoyé, on voit comment ça traverse la matière. Voilà, donc ce sont des méthodes qu'on appelle hybrides, parce qu'on va combiner différentes technologies. Donc là, en l'occurrence, des capteurs piézoélectriques qui vont permettre de générer une onde élastique dans la structure. Et puis, on utilise des fibres optiques pour réceptionner ces ondes. Et on va distribuer ces capteurs dans la structure elle-même, et enregistrer donc toutes les combinaisons de signaux entre les émetteurs, les récepteurs, et c'est toute l'information qu'on va recueillir à travers ces récepteurs qui va être traitée pour détecter, localiser et aller jusqu'à une caractérisation des défauts qui sont en présence dans la structure. Donc on va être capable, avec ce type d'instrumentation, d'identifier qu'on a une fissure d'une certaine dimension dans la structure. Alors j'ai utilisé le terme d'échographie, c'est marrant, mais on a l'impression que vous travaillez plus sur la santé de la matière que sur la mécanique finalement. Nous spécifiquement, oui, plus sur la santé de la matière qui est une donnée d'entrée ensuite aux modèles de mécanique qui vont voir comment la structure va vieillir connaissant les défauts qui sont présents dans la structure. Donc c'est un paramètre d'entrée qui est absolument essentiel dans cette estimation de la durée de vie d'un équipement. I'm gonna do it again. Connected par Stéréo M6. Ce sont les bâtiments qui sont connectés sur France Culture aujourd'hui à 16h35. Vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous sommes toujours avec Clarisse Poitevin, responsable du département Imagerie Simulation pour le Contrôle au CEA List. Et nous sommes avec Alexandre Paléologue, cofondateur et directeur de MorphoSense, une start-up qui propose une technologie pour mettre en œuvre une surveillance à distance continue et en temps réel des infrastructures. Vous êtes en duplex, Alexandre Paléologue, depuis Chambéry, dans les locaux de France Bleu, Pays de Savoie. J'aurais bien aimé qu'on donne quelques exemples de réalisations concrètes que ces MEMS, que ces capteurs qui permettent de faire de la maintenance prédictive ont permis de réaliser. Alexandre Paléologue, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple? Je crois qu'il y a un travail autour d'une passerelle à Grenoble, par exemple. Tout à fait. Alors notre système qu'on a baptisé le neurone, parce que finalement c'est une colonne vertébrale qui va permettre d'agréger tous les capteurs, on l'a déployé effectivement sur la passerelle Saint-Laurent à Grenoble qui devait être réparée. Donc on a fait, si vous voulez, un déploiement en amont pour identifier quelles étaient les fréquences propres, les fréquences de résonance et les déformées dynamiques de cette passerelle avant même qu'elle soit réparée. Et ce qu'on a pu constater, il y a certaines fréquences qui apparaissait à des endroits où, en théorie, les bureaux d'études avaient calculé qu'il ne devait rien y avoir. Et cette plage de fréquences dans laquelle on a trouvé des résonances, finalement, étaient des plages de fréquences qui, quand elles étaient activées, engendraient en fait une dégradation accélérée de cette passerelle. Oui, la question de la résonance, ça peut être dramatique pour un pont. On connaît cette image, le cas du pont avec les militaires qui marchent au pas et le bâtiment s'effondre. Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a certaines fréquences qu'il ne faut pas exciter et ça dépend de la structure, de la façon dont est encastrée la passerelle dans les piles en pont, en pierre, etc. Donc avant les travaux, on a pu faire cette espèce de caractérisation finalement des modes propres, des fréquences propres et de la structure de la passerelle Saint-Laurent. Et puis très récemment, on a instrumenté un autre pont au nord de Grenoble qui avait subi un accident il y a un an. Alors c'est peut-être l'effet pont de Gênes. Et comme on a une capacité à se déployer très rapidement, en moins de 2 heures, on installe tous nos capteurs. On a installé nos capteurs sur ce pont pour le suivre en temps réel et faire un état de sa structure, de sa santé structurelle avant qu'il passe d'une concession à une autre. Ça rejoint votre remarque en tout début d'émission. Je crois que vous scrutez aussi les entrailles de la Tour Eiffel. Alors on a scruté, effectivement, on cherchait un bâtiment emblématique à l'époque pour faire connaître MorphoSense et on n'a trouvé que la Tour Eiffel. Et effectivement, alors on ne peut pas parler mal, du pas sujet mal comme lui-même. Alors il n'y a aucune crainte, la Tour Eiffel tient très bien, il n'y a aucun problème. On est contraint à une communication très, très stricte. Ce que je peux vous dire, c'est que notre système était l'unique système au monde qui permettait de répondre et de surtout identifier d'où venait une problématique structurelle liée à un événement très particulier qui ne met pas en danger la sécurité de la Tour Eiffel. Donc la façon de distribuer notre réseau et surtout la synchronisation de l'ensemble des 11 capteurs qu'on avait distribués sur un peu plus de 150 mètres entre le pied de la Tour Eiffel et le deuxième étage nous ont permis d'identifier le phénomène dont on ne peut pas parler et d'expliquer effectivement comment ça ne mettait pas du tout en jeu la santé de la structure de la Tour Eiffel en l'occurrence. Un commentaire, Clarisse Poitevin, sur ce type d'expérimentation? Je dirais que dans le domaine de la surveillance, enfin de la mesure d'intégrité des structures, il y a aujourd'hui des contrôles qui sont pratiqués depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, les progrès scientifiques, technologiques permettent de faire évoluer ces méthodes et aujourd'hui d'utiliser des capteurs qui sont beaucoup plus performants et on l'évoquait tout à l'heure, des moyens aussi de traitement de la donnée qui sont beaucoup plus puissants et qui permettent aujourd'hui de descendre à des tailles de défauts plus petits et d'avoir des performances plus intéressantes. Pour ce qui est de capteurs intégrés dans les structures, on est à l'inverse des méthodes de contrôle déployées industriellement. Là, on est encore au stade des preuves de concept et des démonstrateurs en laboratoire, mais avec des progrès qui sont très très rapides et des déploiements industriels qui aujourd'hui sont visés à échéance d'un an sur des équipements industriels dans le domaine ferroviaire, par exemple, où les niveaux de maturité technologique deviennent aujourd'hui assez bons pour envisager ces déploiements industriels. Oui, alors effectivement, la maintenance prédictive, ça ne concerne pas que des ouvrages d'art ou des bâtiments d'habitation ou des bâtiments emblématiques comme la Tour Eiffel. On va voir que d'autres champs de l'industrie sont concernés. Et comme nous sommes mercredi, on va le voir au travers de notre capsule « La recherche montre en main ». Comme tous les mercredis, nous recevons donc un étudiant en thèse qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Victor Cohen. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes étudiant au CERMIX, le centre de recherche en mathématiques appliquées de l'école des ponts ParisTech. Vous préparez actuellement une thèse titrée « Logistique en maintenance prédictive et planification de tâches ». Bienvenue donc dans la méthode scientifique et dans la recherche montre en main. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation, parce que ça me change un peu de mes équations quotidiennes. Donc, je vais essayer de vous présenter l'objet de ma thèse. Alors, vous avez sûrement tous pris l'avion déjà, et vous avez sûrement déjà été en colère une fois pour un retard, voire pire, une annulation de vol. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes plutôt calme et patient. Non, c'est le cas. Il faut savoir en fait aujourd'hui quand même que c'est assez illusoire de penser qu'une compagnie aérienne puisse assurer tous ses vols sans retard ni annulation avec toute la demande qu'il y a, c'est quasiment impossible. Cependant, si on regarde d'un peu plus près tous ces incidents, on remarque que la plupart sont dus à des pannes qui ont lieu sur des équipements de l'avion. Et c'est un peu l'objectif de ma thèse, c'est d'utiliser des nouveaux outils qui viennent de l'intelligence artificielle, plus proprement parlé du machine learning, pour essayer d'éviter ces pannes. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une flotte d'avions, et chaque avion a un planning de vol. Donc par exemple, Paris, New York, New York, Paris, Paris, Rio, donc des suites de vols. Et dans ce planning de vol, vous insérez ce qu'on appelle des plages de maintenance, qui sont en fait des périodes d'immobilisation de l'avion, durant lesquelles des experts de l'avion et leurs équipes viennent changer les équipements de l'avion. Et le problème qui se pose, c'est qu'entre deux plages de maintenance, il peut y avoir des pannes, et ça, c'est ce qu'on souhaite éviter. Alors, pour les éviter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper ces pannes. Alors, l'anticipation, elle va se faire en deux temps, en une phase de prédiction, qui est de savoir quand est-ce que va avoir lieu la panne, et ensuite, une phase de décision, qui est de savoir quand est-ce que je remplace mon équipement. Donc, tout d'abord, la phase de prédiction... Aujourd'hui, il faut savoir que sur un avion, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de, comme pour les structures, il y a plein de capteurs qui sont disposés sur tous les équipements de l'avion. Donc, par exemple, ces capteurs, ils enregistrent des données telles que les signaux, telles que des données physiques, telles que la température et la pression au cours des vols pour les avions. Et pour vous donner un ordre de grandeur de la taille de ces données, un aller-retour Paris-New York, il dépose à peu près 1 giga de données. Donc vous imaginez la quantité de données qu'on obtient sur tout l'historique des vols. Et l'idée, ça va être donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire parler cette base de données, l'exploiter, et ensuite de prédire quelles vont être les probabilités de panne des équipements. C'est-à-dire que lorsque mon avion va arriver dans une plage de maintenance, il va y avoir de nouveaux signaux qui ont été enregistrés, et je vais essayer de prédire, de donner la probabilité que l'équipement A tombe en panne dans les 10 prochains jours. Donc ensuite, il va y avoir la phase de décision, qui est de dire, sachant cette probabilité de panne, quand est-ce que je vais remplacer mon équipement ? Parce que vous imaginez bien que si qu'on pourrait remplacer les équipements tout le temps, mais le coût logistique est trop fort pour la compagnie. Donc c'est ce qu'on souhaite éviter aussi. Et bien entendu, si on remplace trop tard, la panne a eu lieu, donc bon, ça arrange personne. Donc l'idéal, ça serait de savoir quand est-ce qu'on remplace de manière optimale. Et l'objectif de ma thèse, c'est en fait de formuler et de résoudre un problème d'optimisation qui est d'à partir de signaux qui sortent d'un avion, produire un planning de maintenance, de remplacement d'équipement, qui réduisent les coûts logistiques et qui en même temps évitent les pannes. Ça serait l'idéal. Alors, merci Victor Cohen pour la présentation de votre thèse. Donc, on voit que les avions sont des générateurs de big data et à ce titre deviennent aussi un champ d'usage de la maintenance prédictive. Clarisse Poitevin, l'aéronautique, mais pas que l'aéronautique, il y a d'autres champs d'industrie qui sont des terrains de jeu, si je puis dire, à ces nouvelles technologies. Oui, je pense que bon, dans l'aéronautique, il est certain qu'il y a énormément de données qui sont enregistrées en vol, de données qui peuvent être enregistrées aussi lors d'interventions au sol, et que combiner toutes ces données pour effectivement optimiser des plans de maintenance, il y a de vrais enjeux autour de ça, et toutes les techniques d'intelligence artificielle apportent des réponses à ces besoins. On peut tout à fait transposer aussi ces problématiques à d'autres secteurs de l'industrie, notamment dans le domaine de l'énergie, où il y a aussi beaucoup d'opérations de surveillance qui sont mises en œuvre aujourd'hui, et beaucoup de données qui ne sont pas traitées, ou en tout cas pas de façon optimale. Et donc, dans le domaine de la recherche, on travaille sur le développement d'algorithmes qui vont optimiser le traitement de cette donnée pour en extraire toute l'information qui est intéressante à connaître pour la maintenance prédictive. Parce que vous, dans le cadre de votre travail au CEA List, vous êtes plus dans une démarche de... Vous êtes dans la science fondamentale, là, vous n'êtes pas dans la recherche appliquée pour le moment. Alors si, on est dans la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on a plusieurs champs de recherche. Hein. On travaille à la fois sur l'instrumentation physique, donc les capteurs, les électroniques, et qui vont permettre d'enregistrer de la donnée. Et puis, surtout, la partie traitement des données, donc comment on va interpréter cette donnée pour en extraire l'information sur le défaut en présence, puisqu'on parlait tout à l'heure de défauts, et comment on va combiner cette donnée à d'autres informations sur l'environnement, sur l'histoire du composant, avec des algorithmes, des modèles prédictifs qui vont permettre de combiner cette information. Et on travaille dans ce domaine des méthodes du domaine de l'intelligence artificielle pour travailler sur ces optimisations de plans de maintenance. Oui, la question de l'algorithme, Alexandre Paléologue, elle est prépondérante. Il ne faudrait pas laisser à penser que ce sont les capteurs qui font tout le boulot et puis après tout est fini. S'il n'y a pas le bon traitement des données qui va derrière, on est tout nu. Je dirais les capteurs sont un moyen et pas une fin. Il faut effectivement, Clarisse l'a précisé, considérer la donnée qui est souvent massive avec son environnement. Et il y a un double pari que nous, on a fait de notre côté, c'est fournir des données en masse, agréger toutes les données que nous, on n'aura pas, qui peuvent être des capteurs locaux, etc., de façon à ce qu'ils soient complètement homogènes et simplifier déjà l'entrée dans l'algorithme. Plutôt que d'avoir N systèmes de mesures différents avec des datations qui peuvent être complètement différentes et qu'il va falloir recaler, revoir les lois de calibration, etc., on a pris le pari, nous, d'intégrer dans notre neurone plusieurs synapses. On va avoir la synapse mesure locale fissuromètre, synapse échographie, comme le précisait Clarisse tout à l'heure. Et à la fin, notre flux de données va être homogène. Et ça, c'est une des conditions d'entrée pour tout ce qui est algorithmie et traitement via l'intelligence artificielle qui est fondamentale. Et le deuxième pari qu'on a fait, c'est celui effectivement d'anticiper tout ce qui va être algorithme de type intelligence artificielle, machine learning, qui sur des structures comme les ponts, comme les tunnels, qui sont très semblables dans l'ensemble de la planète, en fonction des conditions extérieures, on va pouvoir effectivement détecter des choses différentes qui sont ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est-à-dire ce qui n'est pas évident à détecter, c'est quoi ? C'est la petite fréquence qui surgit là où on ne l'attendait pas ? Alors, c'est effectivement la petite fréquence, c'est le petit signal qui n'est pas celui qu'on regarde habituellement. Nous, on va donner à notre client des indicateurs qui sont des évidences quelque part. Hein. C'est la convergence pour un tunnel, c'est la déflexion, le cas de charge pour un pont. Mais on va aussi aller regarder et classifier avec des méthodes mathématiques dont on parlait à l'instant, des éléments qui sont passés totalement inaperçus, qui peuvent être qui pourraient être perçus comme sporadiques. Ils apparaissent de temps en temps, puis ils disparaissent. Et ceux-là, on va les classifier. On va commencer à regarder les corrélations qu'il peut y avoir entre ces petits événements et puis la station météo qu'on a, ou la déformée, ou les modes propres. Et on va essayer d'en déduire de cette corrélation, finalement, un événement qui peut être un prémisse de quelque chose de plus grave et plus important ensuite. Et c'est le pari qu'on a fait avec MorphoSense, d'anticiper cette gestion et cette exploitation de la base de données. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est bien l'exploitation de la base de données à des fins d'indicateurs extrêmement simples qui est l'enjeu. Si vous donnez 3 gigas, 30 gigas de données à un exploitant, il va le mettre sur un disque dur, il va le stocker dans une armoire et ça va s'arrêter là. Il va le laisser dormir. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Clarisse Poitevin, sur cette traque aux signaux faibles, ça c'est un enjeu important dans les années qui viennent. Oui, et souvent l'information utile, elle est noyée dans des signaux qui peuvent être très complexes, en tout cas difficiles d'interprétation, et qui n'ont pas un lien direct avec le défaut qui en est à l'origine. Et donc les méthodes de machine learning sont aussi intéressantes, et en particulier toutes les méthodes d'apprentissage où on va apprendre sur différentes situations pour reconnaître ces signaux faibles. Et donc il y a un axe important qu'on poursuit, notamment au CEA, c'est la simulation, les modèles qui vont nous permettre de produire aussi de la donnée et de compléter l'information qu'on mesure de manière à rendre plus performantes ces méthodes d'apprentissage et pouvoir faire des diagnostics plus fiables et plus rapides sur des anomalies ou des défauts qui peuvent être de petites dimensions et qui ont aussi l'objectif d'être plus discriminants, parce que un des gros problèmes c'est les erreurs d'interprétation sur les signaux qu'on mesure, qui peut aussi être un problème d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'on va penser à voir un défaut et donc engager des réparations, et il s'avère qu'il n'y a pas de défaut, que c'est la structure, le matériau, la géométrie qui a généré des signaux qui ont été mal interprétés. D'où l'importance de ces méthodes de diagnostic sur lesquelles il y a eu d'énormes progrès et encore beaucoup d'espoir d'amélioration grâce à ces méthodes d'apprentissage et de machine learning qui est toute une famille de méthodes, mais qui apporte beaucoup de solutions dans le contexte de la surveillance des structures. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple du secteur de l'énergie comme étant un de ceux dans lequel on pouvait faire de la maintenance prédictive. Évidemment, moi je pense au nucléaire tout de suite. Est-ce que ce secteur-là, il est particulièrement concerné? Il y a des applications déjà à l'heure actuelle? Il y a des applications qui sont aujourd'hui au stade d'études. Et on avait évoqué que l'un des objectifs de la maintenance prédictive, c'est aussi un objectif de réduction des coûts. On imagine bien que des arrêts de tranche sur une centrale nucléaire pour faire des opérations de maintenance, de contrôle, ça peut coûter très cher, d'où l'intérêt sur certaines structures, équipements nucléaires, l'intérêt de pouvoir les monitorer en continu et de manière à anticiper certains problèmes. Donc il y a des travaux de recherche. Aujourd'hui, c'est au stade de la recherche, parce que ce qui est le plus courant dans ce domaine, ce sont les contrôles périodiques. Il y a toute une réglementation qui impose des contrôles réguliers. Mais il y a des travaux de recherche qui visent à implémenter aussi des systèmes de surveillance continue dans ce secteur. À propos de la réduction des coûts, on avait repéré un chiffre en préparant cette émission. C'est une étude de 2015 du cabinet McKinsey qui dit que la maintenance prédictive permettrait aux entreprises d'économiser jusqu'à 630 milliards de dollars d'ici 2025. Alexandre Paléologue, ça paraît énorme comme chiffre. Non, c'est pas énorme, mais je vais même aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on parlait de l'énergie. Les parcs éoliens ou les structures offshore de type oil and gas aujourd'hui pourraient bénéficier de cette économie d'échelle, et voire même pour les éoliennes, d'améliorer le rendement. Donc on va faire de la réduction de coûts de maintenance, on l'a dit tout à l'heure, on va faire de la gestion de risque, mais on peut même aller plus loin en faisant de l'augmentation de durée de vie d'une structure en toute connaissance de cause et en toute sécurité, et on va même améliorer finalement le rendement de ces structures en les maintenant correctement. Donc le chiffre n'est pas du tout exagéré, c'est un marché qui n'est pas récent, hein, on l'a répété tout à l'heure, la maintenance, tout le monde y pense depuis des dizaines d'années, mais qui aujourd'hui, avec les technologies modernes, avec les traitements de données et les capteurs qu'on a, permettent d'enfin toucher le Graal de la maintenance prédictive et d'arriver à aller beaucoup plus loin dans l'optimisation des coûts, la gestion de risque et finalement même l'amélioration du rendement de ces structures, qu'elles soient à production énergétique ou en gestion de sécurité quand on parle de l'oil and gas par exemple. Vous parlez d'un domaine de recherche qui n'est finalement pas récent. Il y a une expression qui traîne dans la recherche et dans les médias depuis 15-20 ans, qui est celle de la smart dust. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette émission, j'ai pensé tout de suite à la smart dust, c'est-à-dire la poussière connectée, l'idée que on pourrait saupoudrer notre environnement de tout un tas de petits capteurs qui, en temps réel, permettraient de le monitorer. Est-ce qu'on y est avec la maintenance prédictive? Est-ce qu'on est dans l'univers de la smart dust, Alexandre Paléologue? Alors, l'univers de la smart dust est encore un rêve. La poussière connectée qui est autonome, qui communique toutes ces informations et qu'à l'autre bout, en plus, on récupère, on traite en masse les données. Ça reste, je dirais, une asymptote, un rêve qu'on aimerait tous avoir, en tout cas côté gens qui font de la maintenance et qui se préoccupent de ces solutions techniques. Mais on y arrive par un biais qui est, j'allais dire, si on arrive à déployer de façon massique des réseaux de capteurs pour la surveillance des ouvrages, pour l'optimisation énergétique, pour la surveillance des éoliennes, on va réduire les coûts et on va permettre finalement de réduire aussi la taille des objets et d'engranger de la connaissance et finalement d'extrapoler ça à des capteurs qui seront de plus en plus petits et de plus en plus performants. Et c'est la smart dust de demain. Mais il ne faut pas se leurrer, je pense que Clarisse confirmera, il y a encore beaucoup, beaucoup d'enjeux et de difficultés technologiques qui sont assez considérables. Clarisse Poitvin, donc là, c'est pas encore la poussière connectée. Là. Alors il y a encore effectivement des verrous à lever au niveau des technologies. Je dirais aussi, il y a un élément important, c'est les freins aujourd'hui qu'on a au déploiement de ces technologies, qui ne sont pas forcément d'ordre technique, scientifique, mais qui sont liés aussi à tout l'aspect réglementaire, qui fait que dans certains secteurs de l'industrie, mettre en œuvre ce type de système pose un certain nombre de questions en termes de standards qui n'existent pas forcément. Donc il faut faire évoluer les standards pour pouvoir autoriser la mise en service de ces équipements, pouvoir les certifier. Et donc ça implique aussi de faire évoluer les réglementations pour qu'on voit demain ces structures instrumentées se déployer dans tous les secteurs de l'industrie. Et là, il y a aussi des choses importantes sur lesquelles le monde scientifique a un rôle à jouer, hein, puisqu'il doit accompagner ces évolutions de standards et de réglementations pour permettre de passer du labo aux applications industrielles. Et là, je pense qu'on a de quoi s'occuper dans les années à venir. Et finalement, on retombe là dans la problématique aussi de l'Internet des objets. C'est de l'Internet des objets, tout ça. Oui, tout à fait. Alexandre Paléologue. Moi, je prône l'Internet des structures et des infrastructures. Alors la SNCF, de l'objet à la très grande structure. La SNCF vous a suivi, je crois, hein, puisqu'ils ont annoncé un vaste plan en 2016 pour équiper les éclisses, les rails, de tout un tas de capteurs. Vous pouvez nous dire un mot peut-être sur un projet comme celui-là? Alors, nous, on a travaillé au CEA sur un projet qui utilise le MorphoSense pour mesurer la déformée des rails. C'est un projet qui est encore en R&D au CEA, le LETI à Grenoble. Après, il y a beaucoup d'objets connectés qui ont été détournés d'une façon positive dans le sens industriel du terme, où on a fiabilisé et on a permis effectivement pour les éclisses par exemple de monitorer le desserrage d'un boulon pour éviter les catastrophes comme il y a eu il y a 3 ans. Donc ça, effectivement, ce sont des évolutions, je dirais, de l'Internet des objets basiques vers un Internet industriel, que ce soit des structures ou d'autres gros objets de sécurité de tous les jours. Bon, ben, ce sont sur les éclisses que nous terminons cette émission et avec ces mots d'Alexandre Paléologue qui prône l'Internet des structures. Merci à nos deux invités, Clarisse Poitvin et Alexandre Paléologue, en direct depuis les locaux de France Bleu, pays de Savoie, à Chambéry. Et merci à Victor Cohen, qui est venu nous présenter sa thèse consacrée à la maintenance prédictive dans le domaine aéronautique. Merci également à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Jean-Guillain Maège. Demain, dans la méthode scientifique, ce sera l'émission qui est faite en binôme avec Science et Avenir. Vous savez que le magazine et son site web sont les partenaires de la méthode scientifique. Et nous verrons ensemble comment les techniques modernes, comme les rayons X, les lasers, permettent d'expertiser les gestes des artistes de l'Égypte ancienne. Ce sera donc pour demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.